أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. ويقول النبي كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لأنه كما بينا أنه بعلم الدين الإنسان يعرف الصحيح من الباطل، ويعرف يعني أحكام شريعة الله حتى يحكم بهذه بالشرع وليس بالهوى. حكم الدين لابد يكون اتباعا للشرع. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. دائما المرجعية تكون القرآن الحديث وليس مجرد عادات وتقاليد وهوى النفس، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Donc on a rappelé l'importance d'apprendre la science de la religion et que la science de la religion permet de connaître la loi de Dieu pour juger selon la loi de Dieu, suivre les règles de la loi de Dieu et non pas juger selon ses passions ou les traditions ou selon son avis personnel, mais toujours revenir aux règles de la religion. D'où l'importance de connaître ces règles-là, de les maîtriser pour toujours juger selon la loi de Dieu. Et donc, والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو اتباع الشريعة، معناه من غير حذف، من غير زيادة، اتباع الشريعة. Donc Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il a fait de nous la communauté du juste milieu. Et le juste milieu, c'est suivre la loi de Dieu. C'est suivre la loi de Dieu. C'est ça le juste milieu. Sans enlever ni rajouter. C'est ça le juste milieu. هذا هو الاعتدال الوسطية. الاعتدال الوسطية هو اتباع الشريعة. هذا معناه. طبعا ليس معنى الاعتدال الوسطية أنك بعض الأشياء تطبقها وبعضها لا تطبقها كما يظن بعض الجهال. بعض الجهال يظنون أنه الوسط أنك بعض الحرام تفعله مش تتساهل مع الناس، وبعض تجتنبه على حسب التساهل مع الناس. ليس هذا الوسطية. الوسطية هو اتباع الشريعة في كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الوسطية. Donc le juste milieu, la modération, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est suivre la religion, ne pas rajouter, ne pas enlever. C'est pas comme certains ignorants, ils pensent que être modéré, c'est appliquer des fois et des fois ne pas appliquer pour plaire aux gens. Donc ne pas appliquer la loi de Dieu. Donc ils pensent c'est ne pas appliquer de temps en temps pour plaire aux gens, pour satisfaire les gens. Ils pensent que c'est ça le juste milieu. C'est pas ça le juste milieu. Le juste milieu, c'est appliquer dans toutes les circonstances la loi de Dieu, toutes les règles de la loi de Dieu. Donc, et la règle qu'il a donnée le prophète alayhi salam dans le hadith: on n'obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur. إذا رأينا يعني الأسبوع الفارط شفنا أنه يعني سنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، وهذا الموضوع نتكلم عنه لأن كثير ناس قبل الحج يذهبون للمدينة المنورة. كثير ناس الحج يعني قاصدين الحج يعني يذهب للمدينة، والمدينة ليست يعني ليست من مناسك الحج زيارة المدينة، لكن عادة اعتادها المسلمون هناك يذهبون الفوج قبل الحج وهناك بعد ما ينهوا مناسك الحج، لأنه هذا يعني مجمع على سنيته بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إذن هنا كذلك ندخل يعني هذه المسألة تدخل في يعني اتباع الوسط، أنه المسلم يعظم النبي ويمدحه ويوقره لكن لا يعبده، لا يصف النبي بصفة من صفات الله. لأنه تجد ناس يعني في هذا الطرف في هذا الطرف يمنعون من تعظيم النبي وتوقيره في رقم الحائف، هناك يغالون وهذا الغلو نهى عنه النبي: إياكم الغلو. والنبي نهانا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. معناها لا تعبدوني كما عبدت النصارى عيسى. فهم بعبادتهم عيسى لا يعظمون عيسى يعني التعظيم الذي أمر به الشرع، إنما غالوا في هذا فعبدوه. هنا هذا هو المنهي عنه. كذلك الذي يعبد النبي لا يكون مسلم. أما الذي يعظم النبي ويحترم النبي ويوقره ويعتقد له منزلة عالية عند الله ويسأل الله تعالى بجاه النبي بحرمة النبي بمنزلة النبي، هذا جائز ولا يخالف الشريعة، لأنه ما دام يعتقد أن النبي لا يخلق نفعا ولا ضر ولكن يعتقد أن النبي عنده منزلة عالية عند الله فيسأل الله بجاهه، فهنا ما زال في الوسط، ما زال في الوسط لم يخرج عن الوسط. أما الذي يعتقد أن النبي يخلق هذا ليس مسلم، هذا ليس مسلم. أو الذي بعض الفرق موجودة يقولون مثال، وهذا غلو، يقولون أنه النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر، هذا غلو وخروج عن الحد الشرعي. وصف النبي بصفة خاصة بالله وهي العلم بكل شيء، يوجد من هذه الفرق. أو بعضهم، وهذا أكثرهم من جهلة المتصوفة، أو بعضهم يقولون من الكفر الصريح من جهلة المتصوفة، هذا كلام كفري بعض الناس قد لا يفهمونه، يقولون: اللهم صل على النبي عين ذاتك الغيبية، وهذا كفر صريح. ما معناه في العربية الكلام هذا؟ قولهم يقولون صل على النبي، هنا إلى حد الهاء حد هنا ما فيش إشكال، لكن ماذا يقولون الكفر أين هو؟ يقولون عين ذاتك. ما معناه في العربية هنا؟ معناها على زعمهم النبي هو ذات الله، وهذا كفر موجود هذا. إذن هذا غلو منهي عنه، لهذا الكلام عن وسط. أما وهذا الشرك واضح، يعني يقول النبي هو ذات الله، هذا كافر ليس مسلم. أما الذي يذهب ويتبرك ويزور النبي وكما فعل الصحابة، كانوا يضعون وجوههم كبلال الحبشي وأبو أيوب الأنصاري، يضعون وجوههم على قبر النبي كفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن عساكر، حافظ ابن عساكر روى أن فاطمة عندما مات النبي ودفن أخذت التراب من قبر النبي ووضعته على وجهها وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. هذا روى الإمام الحافظ ابن عساكر محدث الشام عن الإمام علي يروي عن السيدة فاطمة. إذن هذه الأفعال كلها لا تدخل في الشرك ولا في الغلو المنهي عنه، بل تدخل في باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ الأسباب، تدخل في باب اتخاذ الأسباب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي السبب، معناها اعملوا الأسباب والله يحقق لكم مطالبكم والمسببات بهذه الأسباب، وهو قادر على تحقيقها بدون أسباب. وورد في آيات أخرى كفي سورة يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذا اتخاذ الأسباب. إذن تعظيم النبي وزيارة قبره وأن تسأل الله بجاه النبي وتتبرك بآثاره، كما النبي بينا وزع شعره في حجة الوداع، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، وما زالت شعارات النبي موجودة. لماذا وزعها؟ ليتبرك بها، كما سيدنا يوسف أرسل قميصه ليكون سبب للبركة وأن الله يشفي أباه يعقوب، وحصل هذا، وهذا في القرآن الكريم. يعني هذا الفعل يدخل في الأسباب الجائزة وفي التعظيم الجائز. يعني شفنا ما هو الوسط، هذا هو الوسط. أما وصف النبي بصفة خاصة بالله هذا خروج عن الإسلام. وكذلك من الطرف الآخر اللي هو استهزاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو مسبته أو عيبه إلى غير ذلك، هذا مثال عن ذلك الذي لا يدخل في الوسط، بل هو من التقصير في تعظيمه والذي ينافي الإيمان. مثال كأن يقول شخص عن النبي أنه متعلق القلب بالنساء، هذا كفر، يعني هذا فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن رأينا الوسط ما هو، فالتعظيم النبي ومدحه، وأن تسأل الله ببركته وبجاهه وتزور قبره وتتبرك بآثاره، هذا كله يدخل في الوسط. إذن هذا معنى إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكذلك هذا ينطبق على كل نبي، يعني أن المسلم يحب الأنبياء ويعظمهم ويوقرهم، لكن لا يرفعهم فوق منزلتهم، معناها لا يعطيهم صفة من صفات الله كما فعلت النصارى أو بعض الفرق المنحرفة كما بينا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه التفاصيل تجعلك أنك تتبع الوسط، تفاصيل هذه والمعلومات الدينية تعرف بها الوسط وتجتنب الغلو. Donc, nous avions parlé, on a dit, de visiter la semaine prochaine, la semaine dernière, de la tombe du prophète, alayhi salam, comme c'est l'occasion, et les musulmans, quasiment la plupart des musulmans qui vont au Hajj, vont visiter la tombe du prophète, ou avant, comme maintenant il y en a beaucoup, de faire le Hajj, ou après avoir fini. Alors, visiter la tombe du prophète ne fait pas partie des rituels du pèlerinage. Donc, mais les musulmans font ça parce que le prophète, il a dit « Manzara qabri wajabat lahu shafa'ati ». Donc, dans ce hadith confirmé, le prophète, il dit « celui qui visite ma tombe, donc il aura mon intercession ». Et d'autres hadiths à ce sujet, comme on a vu le hadith que Isa va descendre, parce que Isa n'a pas été tué, il a été élevé au ciel, il est musulman comme tous les prophètes, il va descendre, il va visiter la tombe du prophète. C'est le hadith qui a été vu la semaine dernière dans le discours. Donc on a dit, donc, tout ça, le fait d'aimer le prophète, de le glorifier, de visiter sa tombe, de demander à Dieu par son degré, et de reconnaître qu'il a un degré élevé selon le jugement de Dieu, tout ça, ça fait partie du juste milieu, et ça fait partie des choses permises dans la religion, et ça fait partie donc de suivre le juste milieu, de glorifier le prophète, l'honorer, demander par son degré, chercher les bénédictions par ses traces, comme le prophète il a partagé ses cheveux, donc, comme cela est cité dans Bukhari Muslim, dans le pèlerinage qu'il a fait, et les cheveux sont disponibles jusqu'à maintenant, et les musulmans ils cherchent les bénédictions par ces traces-là. Donc tout ça, ça fait des choses permises et des causes permises comme cela est cité dans le Coran. Wabtaghu ilayhi alwasila. Wabtaghu ilayhi alwasila dans le verset, ça veut dire chercher les causes qui vous rapprochent de l'agrément de Dieu. Faites les causes et Dieu vous accorde ce que vous voulez par ces causes-là. Il est capable de vous donner ce que vous voulez sans ces causes-là, bien sûr. Mais Dieu a fait qu'il y ait généralement des causes. Tu fais des causes pour avoir telle chose et Dieu est capable de donner son cause. Parce que c'est lui le créateur des causes et des conséquences. Allah khalaqa al-asbab wa musabbabat. Donc dans ce verset-là, cherchez les causes qui vous rapprochent de l'agrément de Dieu. Et comme il s'est dit dans Sourate Yusuf, où le prophète Yusuf, il envoie son habit pour qu'il le mette sur les yeux de son père, et son père retrouve la vue. Donc tout ça, ça montre que les causes permises et la glorification permise, donc ça fait partie de tout ça du juste milieu. Demander à Dieu par le degré du prophète, et on a vu dans, comment un compagnon, il est parti en période de sécheresse, il a demandé par le degré du prophète, ils ont eu la pluie. Hadith confirmé, c'était l'époque de Sayyidina Omar. C'était ça, l'histoire qui a été vue la semaine dernière. Par contre, on a dit, le fait d'exagérer, de tomber dans l'extrémisme, d'un côté ou d'un autre, ça, c'est pas permis. Et on a donné des exemples. Comme certains groupes égarés qui se prétendent musulmans, qui vont attribuer au prophète des attributs de Dieu. Comme certains groupes qui se trouvent dans certaines régions, et ils disent que le prophète, il sait tout ce que Dieu sait. Et ça, c'est de la mécréance. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait toute chose, et ça, c'est un attribut spécifique à Dieu, le fait de savoir tout chose. Et le prophète, bien sûr, et les créatures ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir. Donc, ça, c'est de l'exagération. Un exemple d'exagération interdite. Ou certains, qui se prétendent soufis, ils font des invocations, ils se disent une évocation, et ils font une évocation dans laquelle il y a de la mécréance. Et dans cette évocation qu'on a citée en arabe, ils disent, ils la répètent ces gens-là, ils disent que Dieu nous préserve comme mécréance, et ils disent que le prophète, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est de la mécréance. Quelqu'un qui ne connaît pas bien l'arabe, il ne va pas la comprendre, peut-être. Mais c'est une expression qu'ils disent, dans laquelle il qualifie le prophète de Dieu, et ça c'est de la mécréance. Ça c'est déjà certains groupes faux soufis. Donc ça c'est de l'exagération, c'est ça l'exagération interdite. On cite tout ça pour montrer aux gens que aimer le prophète ou faire comme les compagnons, comme Bilal le Habashi, Bilal l'Abyssinien, ou Abu Ayoub l'Ansar, ils sont cités, qu'ils sont partis, la tombe du prophète, ils mettaient leur visage sur la tombe du prophète. Ou Fatima, la meilleure femme après Maryam, donc Ibn Asakir, le savant du Hadith, il rapporte que Fatima, elle a pris la terre après la mort du prophète, la terre de la tombe, elle l'a mis sur son visage, elle a récité un poème qui montre que c'est une très belle odeur, c'est magnifique de sentir l'odeur du prophète qui reste après sa mort. Parce que les prophètes aussi sont vivants de leur tombe, on a vu, ils accomplissent la prière. Donc on a vu, c'est quoi l'extrémisme qui mène à l'égarement et les choses, la glorification permise. Donc glorifier le prophète, le visiter, demander par son degré, chercher les balakas par ses traces, etc. Comme ils faisaient les compagnons. Donc ça, c'est complètement permis. Et l'exagération, on a donné des exemples. Donc le musulman, il croit que seul Dieu crée le profit et la nuisance. Le prophète, c'est une créature, il ne crée rien. Mais c'est une cause de baraka, de bénédiction. Le prophète, alayhi salatu wa salam. Il y a un musulman qui a reçu le baraka avec Zamzam ou avec le Kaaba. Il est un musulman qui est plus que Zamzam ou plus que le Kaaba. Et le Nabi est plus que tout ça. Donc le Nabi, alayhi salatu wa salam. Donc c'est déjà un musulman, il cherche la baraka par l'eau de Zamzam et la Kaaba. Alors un musulman, simple musulman, il est mieux que l'eau de Zamzam, mieux que la Kaaba. Alors que dire le prophète alors? En fait, il est mieux que tout cela. Le musulman, il cherche avec l'eau, qui ne parle pas, qui n'a pas de. Qui n'a pas de. On ne peut pas la qualifier qu'elle est musulmane, l'eau. Donc un musulman, c'est mieux que l'eau de Zamzam, mieux que la Kaaba. Donc si on ne cherche pas la Kaaba par ces créatures-là, que dire le prophète, alayhi salatu wassalam? Donc, on voit bien la part. Et on a donné l'exemple, parce qu'on a dit, il y a le juste milieu, ce qu'on a cité, glorifier le prophète, chercher les bénédictions par ses traces, demander à Dieu par son degré, etc. On a montré l'extrémisme, l'outrance, qualifier le prophète par des attributs de Dieu, ça c'est de la mécréance. Et l'autre côté aussi, on a vu, il y a les choses de, qui est là, l'extrémisme d'un autre côté, c'est au lieu de glorifier le prophète, c'est rabaisser, dire des choses qui indiquent un rabaissement. Là aussi, c'est un égarement. On a montré l'autre fois comme de dire, par exemple, de dire que le prophète, il avait le cœur attaché aux femmes. Ça, c'est de la mécréance. C'est rabaisser le prophète. Donc, ou dire que le prophète, il voulait se suicider, ou des choses comme ça. Ça, c'est un rabaissement. C'est pas digne des prophètes. Donc ça, c'est un extrême d'un côté et d'un autre. Et alors, nous, on doit suivre le juste milieu. C'est ça ce qu'il nous dit le verset. De suivre le juste milieu, donc glorifier, aimer le prophète, honorer, demander à Dieu par son degré, tout ça, ça fait partie du juste milieu. Et c'est un peu plus de temps, même si l'homme est différent entre ce qui est le wasat et ce qui est le wasat. يكون يعني الأمر واضح لأن بعض الناس يعني من المنحرفين يشوشوا على اللي متعلمش على الإنسان الذي لم يتعلم يشوشون عليه بعض الناس جهال يمنعون يعني رأينا من قول يعني بجاه النبي بعض الجهال يمنعون هذا يعني قلوب مقفولة هؤلاء أم على قلوب أقفالها. Il y a certains égarés, donc ils mélangent toutes ces choses-là. Et puis, c'est des gens, souvent, c'est des cœurs fermés, en fait. C'est des cœurs fermés, ces gens-là. Mais on s'adresse plutôt à des gens qui comprennent, bien sûr, pour mettre en garde. Parce que ces gens-là, généralement, c'est des gens fermés. Et par exemple, ces gens-là, ils vont interdire de dire l'expression « Bijah Nabi » par le degré du prophète. Pour eux, c'est interdit. Ou... Et ça, c'est des gens qui font preuve d'outrance. Et c'est des gens égarés, souvent. C'est des gens égarés, donc, ces gens-là. Et donc, ra'ayna hatta, yani, fil hadith, nu'iduhu, yani, rawahu al-Bukhari, rawahu l'imam al-Bukhari, fil adab al-mufrad, wa huwa, andama, Sayyidina Abdullah ibn Umar, nu'iduhu hatta yahfadhu l'insan, hatta yahfadhu, ra'ayna annu, كان في مجلس وخضرت رجله يعني ما عادش تتحرك كما نقوله فقيل له اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فالذي يروي الحديث قال كانما نشط من عقاد يعني رجعت رجله تتحرك ببركه قوله يا محمد هذا رواه البخاري في كتابه الادب المفرد وغيره من العلماء. إذن فذكر النبي قال يا محمد يعني تبركا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدخل في الأشياء اللي هي وسط ومن الجائزات. أما هؤلاء الجهال يقولون الشرك يعني أين الشرك في هذا؟ بينا نحن ليس فيه شرك هذا إذن هذا كلام بالهوى اتباع الهوى ليس لهم دليل في ذلك إلا اتباع الهوى donc même on a vu la semaine dernière et on le répète pour que la personne essaie de mémoriser que un grand compagnon Abdullah fils de Omar Abdullah fils de Omar fils de Khattab et il était dans une assemblée et ce fait-là a lieu après la mort du prophète alayhi salam et sa jambe elle bougeait plus quelqu'un qui était dans l'assemblée lui a dit cite-le celui que tu aimes le plus il a dit ya Muhammad donc l'être humain que tu aimes le plus, il a dit « Ah, Muhammad, oh Muhammad ». Et sa jambe est redevenue normale. Et ça, c'est rapporté par le grand imam du hadith, l'imam Bukhari, entre autres, dans son livre « Al-Adab al-Mufrad ». Et donc, Bukhari rapporte ça en étant d'accord avec Abdullah qui a dit, etc. Et puis, il y avait des compagnons autour de lui. Tout ça, ce n'est pas de la mécréance. Donc, comme disent ces groupes égarés, pour eux, dire ça, c'est des shirk. Il y a pas de, on ne voit pas où est le shirk là-dedans. Mais bon, eux, ils suivent leur passion. C'est des cœurs fermés. Donc, l'explication s'adresse plutôt à des gens qui comprennent. Mais eux, c'est des gens fermés. Donc, c'est des gens égarés que Dieu a fermé, Dieu leur a fermé le cœur. Donc, نؤكد كذلك ليس العبرة بالمظهر. ليس العبرة بالمظهر. Donc, bien sûr, on insiste, c'est ce qui compte, c'est pas l'apparence. Parce que des gens, ils voient, ils s'arrêtent à l'apparence. La religion, c'est pas par les sentiments et l'apparence. Quelqu'un qui contredit les règles de la religion, il est égaré. Il est égaré, et bien sûr, nous, on souhaite le bien. On ne sait pas l'avenir. Mais, donc, la personne, elle a contredit, elle est égarée. L'avenir, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va lui arriver, il va être guidé, etc. Mais, le fait qu'il a contredit ces règles-là, c'est de l'égarement. Parce qu'en plus, il va déclarer mécréants les musulmans, que la plupart, ils demandent par le degré du prophète, alayhi salatu wassalam. العبرة باتباع القواعد الشرعية وليس باتباع الهوى والمظهر إذا إنسان خالف فهو ضل عن الطريق المستقيم نحن نتمنى له الخير لا نعلم المستقبل على الله يهدي لكن في هذه الحال هو ضال عن طريق الحق ولابد من الحكم بالشريعة الإسلامية donc c'est cela appliquer le jugement de la religion. Et ça, c'est ce qui permet d'apprendre les règles avec les preuves. Avancez, barakallahu fikum. Avancez, taqaddamu, barakallahu fikum. إذن نحن ذكرنا عن الزيارة عن الزيارة زيارة قبر النبي وهذا يدخل يعني قلنا يشمل كل الأنبياء مع أنه بالطبع نحن نعرف ماذا كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض عموما الحكم يشمل كل الأنبياء لكن بالطبع أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم بعد موسى عيسى نوح والأنبياء أفضل من الملائكة ونسأل الله بجاه الملائكة كذلك حتى في الملائكة هناك أفضل من غيرهم أفضلهم جبريل ويشمل الحكم كذلك كل الصالحين كذلك الحكم اللي ذكرناه يشمل كل الصالحين كذلك لهم دون الأنبياء وأفضل الصالحين سيدنا يعني في البشر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الصالحون كانوا في كل زمان لأنه كل الأنبياء مسلمون وأتباع الأنبياء مسلمون فكان أولياء صالحون أتباع عيسى أتباع موسى أتباع الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام لا يوجد دين صحيح غير الإسلام ف هذا الحكم اللي ذكرناه من الأول يشمل كل الأنبياء والملائكة والصالحين كذلك لأنه يعني هذا العموم لا يدخله يعني استثناء يعني من غير دليل لأنه القاعدة هو الخالق النافع الضار على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له فكل ما ذكرنا أسباب مخلوقات كلها مخلوقات الأنبياء والصالحون غير ذلك كلها مخلوقات الله ولا يخلقون نفعا ولا ضر لكن الله تعالى جعل فيهم البركة وهم أفضل من ماء زمزم وأفضل من الكعبة ومن الحجر الأسود إلى غير ذلك. المخلوقات دي هي معروفة عند المسلمين يعني يقصد بها البركة والنفع. مع كل هذا فالأنبياء والصالحون أفضل من كل هذا. Donc, de façon générale, bien sûr, tout ce qu'on a cité, ça englobe tous les prophètes, bien sûr, en sachant que le musulman reconnaît qu'il y a des prophètes meilleurs que d'autres, comme cela est cité dans le Coran, et le meilleur, c'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, après Ibrahim, Moussa, Isa, et Nuh, c'est l'ordre connu dans la religion. Les anges aussi, entre eux, il y a des anges meilleurs que d'autres. Le meilleur des anges, c'est Sayyidina Jibril. On demande aussi par le degré des anges. Et de façon générale, ce jugement englobe aussi les vertueux. Les vertueux, parce que la règle générale ne change pas. Il n'y a pas une chose qui va la spécifier, en sachant que le seul créateur du profit d'une misère, c'est Dieu, de toute façon, et que tout cela, c'est des causes. Et comme chez les musulmans, c'est connu de chercher les causes, la baraka par les causes telles que l'eau de Zamzam, la pierre noire, le Kaaba. Bah, tout ce qu'on a cité, ils sont meilleurs que tout cela. Les prophètes, les vertueux, ils sont meilleurs que tout cela, bien sûr. Donc, ça ne change pas la règle. C'est que ça, c'est des causes et c'est le seul créateur, c'est Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, ça permet de bien cerner le sujet, bien comprendre, ne pas tomber dans les perturbations et les mises en doute des gens égarés, des sectes égarées qui perturbent les gens. Ça, c'est la voie sunnite, la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et la voie de tous les prophètes. Car l'islam est la seule vraie religion. Et dans les vertueux, on a dit, on a expliqué aussi que le meilleur des vertueux parmi les hommes, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, parce qu'il y avait des vertueux chez tous les, qui suivaient les prophètes, parce que les prophètes, tous c'est des musulmans, et les gens qui les suivaient, c'est des musulmans, il y avait des vertueux. Et le meilleur des vertueux, donc c'est Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. إذن هذا يعني حكم يعني في تفصيل مهم حتى الإنسان يكون دائما يرجع لقواعد الشريعة وليس اتباع الهوى. لهذا أهمية علم الدين وهو حياة الإسلام كما بين علماء أهل السنة والجماعة. هذه طريقة أهل السنة. السنة معناها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc la science de la religion et la vie de l'islam, bien sûr, comme on dit les savants. Et on parle l'explication, la science de la religion, on connaît bien les règles pour suivre, comme on a dit, le juste milieu, comme on a dit au début. Tiba' al-wasat wa kathalika ja'annakum ummatan wasata. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad al-Tahir al-Amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an, wa rizukna nafi'an, wa shifa'an, wa kulida'an. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين